Thank you. Papa, il dit qu'il a encore des nausées, des trucs comme ça, et puis ça suit. Des petits vertiges, des petits, mais enfin, je pense que c'est un enfant brillant, voire c'est possible. Il dit que c'est pas vrai, mais c'est ça, quoi. Donc, il continue ses médicaments, c'est la suite normale, je pense, non? Les symptômes, attends, il va te les donner, alors, dis-lui. Mais attends, il va te les donner tout à l'heure. Chez vous, tout va bien? Ça va, ils sont prêts pour l'école demain? Maxime est déjà parti. Ah, d'accord, C'est vrai? Et comment ça se passe? Elle est contente, c'est bien. Oui, tout à fait ravie. Elle doit être épanouie, là, non? Ah oui, alors ça, vous pouvez... Il est sympa? Il travaille vers chez elle ou... Ah, il est dans la zone industrielle aussi qu'elle travaille. Ah, c'est comme ça qu'elle l'a connue? Oui, d'accord. Donc, elle s'ennuie pas. Ça va... Tout va très vite, là, hein. Il est plus âgé qu'elle? D'accord. Ah, bah, écoute, alors, vous l'avez trouvé bien. Ils ont été contents. Oui, c'est... Oui. Ah, aussi. Ah, bah, dis donc, il est gâté. Il y avait aussi Raphaël, Maxime. Non, Maxime était parti, Raphaël. Ah bon, c'est lui maintenant le gardien. Et il y a quelqu'un pour le chien. Elle m'a dit non, vous avez fait des choses là. Et ça fait combien de temps de route? 4 heures pour y aller quand même. Je pensais pas que ça faisait autant de distance. 4 heures pleines. Et beaucoup de circulation, Oui. Ah oui, on n'a pas eu de pluie. On n'a pas vraiment eu de pluie, hein. Il pleuvait l'autre fin un peu, mais on n'a pas eu de pluie encore depuis des mois maintenant. Hein.